Première lettre du ministre de l'Intérieur à Monsieur Itard, médecin de l'Institution impériale des sourds-muets de naissance. Paris, le 13 juin 1806. Je sais, monsieur, que vous avez donné des soins aussi généreux qu'assidus à l'éducation du jeune Victor qui vous fut confié il y a 5 ans. Il importe à l'humanité et à la science d'en connaître le résultat. Je vous invite donc à m'en transmettre un compte détaillé qui me mette à même de comparer l'état dans lequel il était à son arrivée avec celui où il se trouve aujourd'hui et d'apprécier les espérances qu'on peut conserver sur cet enfant et le genre de destination qu'on peut lui assigner. J'engagerai la 3e classe de l'Institut national à nommer une commission pour prendre connaissance du travail que vous m'aurez adressé et poursuivre auprès de votre élève l'application des méthodes que vous avez imaginées. Vous ne devez voir dans ces mesures que le désir de rendre justice à votre zèle. J'ai l'honneur de vous saluer, Champagny. Deuxième lettre du ministre de l'Intérieur à Monsieur Itard, médecin de l'Institution impériale des sourds-muets de naissance. Paris, le 23 septembre 1806. J'ai lu, monsieur, avec le plus grand intérêt, le rapport que vous m'avez adressé le 18 de ce mois sur l'éducation et le traitement du jeune homme confié à vos soins qu'on a désigné sous le nom de « Sauvage de l'Aveyron » et l'écrit que vous avez publié il y a quelques années sur ses premiers développements. Je vous remercie de m'avoir communiqué le résultat d'un travail qui atteste également et votre zèle et vos talents. Je viens de l'adresser à l'Institut national en l'engageant à l'examiner et à me transmettre son opinion. J'ai l'honneur de vous saluer, Champagny. Troisième lettre du ministre de l'Intérieur à Monsieur Itard, médecin de l'Institution impériale des sourds-muets de naissance. Paris, le 2 novembre 1806. Monsieur, la classe d'histoire et de littérature ancienne de l'Institut national, en me transmettant son opinion sur le rapport que vous m'avez adressé relativement à l'éducation du jeune homme de l'Aveyron confié à vos soins, m'annonce qu'après l'avoir examiné avec autant d'attention que d'intérêt, elle a reconnu qu'il vous était impossible de mettre dans vos leçons, dans vos exercices et vos expériences, plus d'intelligence, de sagacité, de patience et de courage. Il m'est infiniment agréable, monsieur, en vous faisant connaître l'idée avantageuse que cette compagnie a prise de vos travaux, de pouvoir vous donner en même temps un témoignage de ma satisfaction pour des soins dans lesquels vous avez apporté autant de zèle que de désintéressement. Je fais imprimer aux frais du gouvernement et à l'imprimerie impériale votre rapport dans lequel les hommes qui se livrent à l'éducation de l'enfance pourront trouver des vues neuves et utiles. J'ai donné ordre qu'on mît le plus grand nombre des exemplaires à votre disposition. Je vous engage à continuer, pour l'entier développement des facultés du jeune Victor, les efforts qui ont produit déjà un si heureux résultat, et examiner si le moment ne serait pas venu où on pourrait lui faire apprendre avec fruit quelques métiers mécaniques. Je désire que vous puissiez trouver dans les éloges que vous avez mérités la juste récompense de vos soins et l'encouragement le plus digne de vous. J'ai l'honneur de vous saluer, Champagny. Lettre de Monsieur Dacier, secrétaire perpétuel de la classe d'histoire et de littérature ancienne de l'Institut, à Son Excellence le ministre de l'Intérieur. Paris, 19 novembre 1806. Monseigneur, j'ai l'honneur de renvoyer à Votre Excellence le mémoire de Monsieur Itard sur les développements et l'état actuel du jeune homme connu sous la dénomination de « Sauvage de l'Aveyron ». La classe, conformément au désir que lui en a témoigné Votre Excellence, a examiné ce mémoire avec autant de soin que d'intérêt, et elle a reconnu qu'il était impossible à l'instituteur de mettre dans ses leçons, dans ses exercices et dans ses expériences, plus d'intelligence, de sagacité, de patience et de courage, et que s'il n'a pas obtenu un plus grand succès, on doit l'attribuer non à un défaut de zèle ou de talent, mais à l'imperfection des organes du sujet sur lequel il a travaillé. Elle n'a même pu voir, sans étonnement, qu'il soit parvenu à développer ses facultés intellectuelles au point qu'il l'a fait, et elle estime que pour être juste envers M. Itard et avoir la vraie mesure du prix de ses travaux, Il ne faut comparer son élève qu'à lui-même, se rappeler ce qu'il était lorsqu'il a été mis entre les mains de ce médecin, voir ce qu'il est maintenant, qu'il faut enfin considérer la distance qui sépare le point d'où il est parti de celui où il est arrivé, et par combien de méthodes nouvelles et ingénieuses cet intervalle immense a été rempli. Le mémoire de M. Itard contient d'ailleurs l'exposé d'une suite de phénomènes singuliers et intéressants, d'observations fines et judicieuses, et présente une combinaison de procédés instructifs propres à fournir de nouvelles données à la science et dont la connaissance ne pourrait qu'être extrêmement utile à toutes les personnes qui se livrent à l'éducation de la jeunesse. D'après ces considérations, la classe pense qu'il serait à désirer que Votre Excellence voulût bien ordonner la publication du mémoire de M. Itard, que l'éducation de Victor, commencée et suivie si heureusement jusqu'à ce jour, ne fut point abandonnée et que le gouvernement continua de jeter des regards de bienfaisance sur cet infortuné jeune homme. J'ai l'honneur de saluer Votre Excellence très respectueusement. D'acier.